Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Alain Derem, dit Bill Derem, est un musicien français, chanteur et guitariste de blues, né le 3 février 1947 à Senlis, dans l'Oise. La première partie s'arrêtait en 1983. Nous reprenons la suite des aventures de Bill en 1985 avec l'album « Énergie positive » qui voit le retour de Mauro Ceri aux guitares, après avoir accompagné Eddie Mitchell. Il a passé toutes les frontières, il est chez lui partout. La perle rare qu'il cherche mérite qu'on perde tout. Il connaît toutes les mers, tous les atolls, tous les lagons. Rien n'a jamais pu l'empêcher de descendre jusqu'au fond. À force de chercher un jour tu trouves, à force de perdre, tu finis par gagner. À force de plonger un jour tu ouvres une huître qui contient la perle cachée. Il n'a plus besoin de défendre. En 1987, Bill fait un nouveau break dans sa carrière avec le 33 tours La Porte, avec un saxophoniste, un percussionniste et Chris Lancry à la guitare. Ce disque sera réédité en CD en 1991 avec une pochette différente. C'est en 1989 que Bill Derem fait son grand retour avec l'album Toujours du Bleu. Et son tube sur le bord de la route, adaptation du célèbre Sitting on the Dock of the Bay, composé par Steve Cropper et Otis Redding. L'éditeur français faisant barrage pour l'autorisation, Bill et Florentine ont réussi à trouver le contact direct avec Steve Cropper et sont allés le voir à Nashville pour lui faire écouter l'adaptation en français. Après écoute et traduction des paroles, tout le staff s'est levé et a applaudi. Cropper a ensuite demandé à son avocat de régler le problème directement avec l'éditeur français. Assis là depuis trop longtemps, je regarde les voitures passer, le dos sur la clôture d'un champ. Je voudrais bien ne plus pouvoir penser. Assis sur le bord de la route, avec le blues et les cigares. Assis sur le bord de la route, sans étoile. Les phares qui éclairent la nuit ont tous l'air de savoir où aller. C'est la ligne blanche qui conduit à cette ville où je ne veux plus aller. Assis sur le bord de la route, avec le blues et la cigare. Assis sur le bord de la route, sans étoile. Je sors de la cage, j'y retourne comme un oiseau blessé. Assis sur le bord de la route, avec le blues et la cigare. Assis sur le bord de la route, sans étoile. Sur la clôture d'un champ, je voudrais bien ne plus pouvoir penser. Oh, assis sur le bord de la route, avec le blues et la cigare. Assis sur le bord de la route, sans étoile. Aux alentours des 10 ans de carrière ou du 10e album, les artistes se voient souvent proposer un best-of ou florilège. Pour Bill Doreham, c'est en 1990 que sort en CD l'excellente compilation Mr. Blues chez RCA. Compilation d'autant plus intéressante que les 6 premiers albums RCA n'ont jamais été réédités pour l'instant en CD. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. J'ai voulu fuir la guerre des looks, je me suis réfugié chez les moines. Mais les moines dansaient tous le zouk, et moi je rêvais de la Louisiane. J'ai voulu fuir la guerre des looks, j'ai mis les voiles sans m'en tourner. Adieu le bill, j'ai brûlé mon pressbook et j'ai fini par débarquer en Louisiane. Enregistré en partie aux États-Unis, le disque La Louisiane, en 1991, mélange blues, boogie et reggae. Là j'ai retrouvé mon ancêtre, le vieux blueser m'a dit crois-moi. Tu sais petit, le plus important c'est l'être, en fait le peintre n'existe pas. Il y a toujours l'instant dans la vie, l'instant où le masque est tombé. Quand on a perdu la partie, il faut savoir philosopher. Et bien sûr, une petite ambiance Nouvelle-Orléans. Sur ma guitare acoustique, je jouais des vieilles musiques. Neurasthénique, c'est pour la nostalgie, mais maintenant ça suffit. Oh, pour ma main te dire, à te regarder en arrière. C'est le présent qu'on enterre dans la mélancolie. Elle, elle veut tout inventer, dépasser le passé, effacer l'ancienne vie. Pamela n'est plus là, elle dit qu'on vit pas deux fois. Non, non, non, Pamela n'est plus là, c'est l'amour des arrois. Elle a tout essayé pour me faire décoller. L'amour n'a pas suffi, elle a fait sa valise avant que je réalise. Mon avenir s'est enfui. Je cherche tous les soirs comme un caveau et son phare. J'ai enfin compris quelle était ma lumière. Il me fallait le désert pour larguer mon Costa Rica. Pamela n'est plus là. Plus là, c'est l'amour des arrois. Après un nouvel album live en 1993, Bill va donner la parole aux exclus, aux pauvres et autres oubliés de la société, et transmettre l'espérance à travers ses convictions chrétiennes. Aujourd'hui tout va mal, la trappe s'est refermée. Sans lumière à fond, quelqu'un destin oublié. Je n'entends pas craquer les voiles de ton voilier. Demain tellement loin. Voir flotter les nuages, sentir le vent, les îles, les ombres sur le visage et le voilier qui fume. Respirer l'air du large, ainsi soit-il. Entre deux tournées, il explore encore et toujours sa veine blues-reggae avec trois albums. Tout d'abord en 1994, avec l'album « Tout recommencer ». Oh, demain, je ne demande qu'à te croire demain. Chacun a sa part, mais demain, oh, demain. Ensuite, en 1999, avec l'album Avant la paix, qui ressort en 2000 sous le titre C'est le monde, avec une nouvelle pochette et un morceau supplémentaire. A noter que le morceau La collectionneuse est l'unique morceau original dont la musique n'a pas été composée par Bill, mais par Mauro Ceri. À force de chercher l'âme sœur, tu as mordu à l'hameçon. Toi qu'on disait plutôt chasseur, elle t'a ferré comme un poisson. C'est à la foulée que tu meurs, car détruire est sa seule passion. À force de chercher l'âme sœur, tu te cognes au mur d'une prison. Prison glacée pour un rêveur. Son plaisir, c'est la possession. Cette âme-là t'a volé ton cœur. Sa collection. La collectionneuse. Oh, c'est le nom de ton tourment. La collectionneuse. C'était pas mal tous ses amants. Et comme la je dévore par le dedans. On écoute aussi le très bon « Veux-tu de ma médecine ?» C'est pas n'importe quoi, je l'ai essayé sur moi. Elle me vient d'insoucier, chercheur invétéré, expert en sources bénéfiques, d'où viennent toutes les sortes de musique. C'était un musicien de l'âme, et sans jouer d'aucun instrument, il faisait danser les mots comme les flammes d'un feu attisé par le vent. Il n'y a que l'amour gratuit qui dure. Au-delà du trou noir, l'amour est notre seul futur. Notre seul futur, mais est-il? C'est l'amour. Notre seul avenir fertile, c'est l'amour. Notre seul futur, mais est-il? C'est l'amour. Notre seul avenir fertile, c'est l'amour. La parole est amour, la musique est amour, la beauté est amour. La poésie est amour, le rythme est amour, l'harmonie est amour. Le feu est amour, la chaleur est amour, la lumière. se consomme dans la nature, ce qui pour l'un est dérisoire, pour l'autre est une nourriture. Rien n'est mauvais, tout est bon pour qui sait voir le fond secret des choses. Pour ceux qui cherchent avec passion, l'amour éclaire les effets et les causes. C'est l'amour. Notre seul avenir fertile, c'est l'amour. Notre seul futur, disait-il, c'est l'amour. Notre seul avenir fertile, c'est l'amour. Le feu est amour, la chaleur est amour, la lumière est amour. La poésie est amour, le rythme est amour, l'harmonie est amour. La parole est amour, la musique est amour, la beauté est amour. L'eau est amour, l'animal est amour, le végétal est amour. La parole, la musique, le feu, l'eau, l'animal, le végétal, la poésie. Et enfin en 2004, avec l'album Quelque part, qui propose une nouvelle version de Babylon tu déconnes et un super titre, Esclave ou exclu. Autrefois le système se servait des esclaves pour travailler sans salaire dans sa maison cossue. Mais aujourd'hui il paye ceux qui vivent dans sa cave pour ne pas travailler. C'est le salaire des exclus. Esclave ou exclu. Esclave ou exclu. La douleur est la même. Esclave ou exclu. La seule chose qui pollue, j'ai connu, c'est la loi du système. Pendant que partent en croisière les nouveaux Titanic, vogue la galère d'un nation des rameurs perdants. Les temps changent très vite, et maintenant le temps c'est la thune politique. Mais on ne sert pas de maître, ou bien l'homme ou l'argent. Autrefois le système avait ses colonies. C'est un temps évolu, il n'y en aura plus. Dans son ombre arbitre, et puis reste l'hégémonie. Il joue des exilés, et ta flot continue. Esclave ou exclu. Esclave ou exclu. La douleur est la même. Esclave ou exclu. La seule chose qui pollue, jusqu'au du système. Le dit néolibéral, mais qu'y a-t-il de vraiment nouveau? Sinon le turbo-temps qui me rend tout puissant. La liberté nouvelle, c'est l'esclavage des égaux. Encombrants qui ralentissent le mouvement. Le système combat la violence et la misère qui génère. En libéral, il étale sa libéralité. Mais en fait, c'est toujours le vieux dollar vert qui sert. Il ne fait que s'agir l'ancestrale charité. Esclave ou exclu. Esclave ou exclu, la douleur est la même. Esclave ou exclu, la seule chose qui pollue, jusqu'au nu, c'est la loi du système. Esclave ou exclu. Esclave ou exclu. Esclave ou exclu. fin de la deuxième partie du portrait de Bill Doreym. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.